l'amour parfait d'un monde idéal, sans remords et sans regrets. Sur la terre, pourquoi tant de larmes, tant de temps perdu, tant de batailles en vain? Ne vois-tu rien venir? Ne vois-tu rien venir? Lorelai, Lorelai, sans amour c'est mourir. Ne vois-tu rien venir, Lorelai? Et j'attends que les anges du ciel nous ouvrent les yeux, le cœur, et nous donnent des ailes pour devenir, quand on s'abandonne, la coupe qui reçoit et la fontaine. Ne vois-tu rien venir? Ne vois-tu rien venir? Lorelai, Lorelai, entends-tu ces soupirs? Ne vois-tu rien venir? Soudain, je vois le temps qui court. Pourquoi ces batailles?